Macron devant la télévision. Mes potes et moi, nous on s'en branle. Nous on s'en branle. Tout ce qu'on préfère, c'est être en vente. Être en vente. Avoir un cure shit et de la bière. Et de la bière. Y'a vraiment que ça que l'on sait faire. Que l'on sait faire. Mais moi, je ne peux pas rester tout seul à la maison. Tout seul comme un con devant la télévision. Je ne peux pas rester tout seul à la maison. Tout seul comme un con devant la télévision. Non!